Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une belle histoire d'amour. Claire aime Henri depuis toujours. Elle est convaincue qu'ils sont destinés l'un à l'autre, même si elle ne sait jamais quand ils seront séparés. Henri est en effet un voyageur du temps. Il souffre d'une anomalie génétique très rare qui l'oblige à vivre selon un déroulement du temps différent. Il va et vient à travers les années sans le moindre contrôle sur ce phénomène. Je connais Henri depuis que j'ai 6 ans. Je me souviens de notre première rencontre. Je voyage dans le temps. En fait, on sera amis dans le futur, quand tu seras grande. Ça n'existe pas, les voyageurs dans le temps. Si tu restes assez longtemps dans le coin, tu me verras disparaître. Pendant une seconde, il était là, et à la seconde suivante, il avait disparu. J'ai passé ma vie à attendre Henri. C'est toi. J'ai noté toutes les fois où tu m'as rendu visite. Tu m'avais dit que tu revenais souvent au même endroit. Oui, c'est comme la gravité. Les événements marquants ont un effet d'attraction. J'étais un événement marquant. C'est trop bizarre. Non, en fait, je trouve ça magique. Veux-tu m'épouser? Non. Bien sûr que oui. Je voyage dans le temps. Je n'y peux rien. Ça arrive comme ça. Si ça pouvait s'arrêter, je ne peux pas rester. Je sais. Hors du temps, avec Eric Bana, un DVD métropolitain.